2007, ça y est, on y est. C'est parti mon gars, cette fois on lâche pas. BNR c'est signé, c'est pour mes gars. Et coudre, c'est saigné. Projet pour les gros du quartier. Qualifié pour la finale. C'est BNR, BNR. Comme des frères. Arracher la coupe derrière le mag, va s'improviser. C'est pour la MIFA. Les potos qu'on est venu représenter. On vient s'imposer, dire au monde qu'on est réveillé. Ouais, BNR ou l'histoire de frères. Contrôleurs qu'ils ont eu tort. Zone de paix. Dans un pays en guerre, de deux clics. Bah, t'es mort. On a réalisé nos rêves en temps de guerre. Pas de trêve, frère. Va sur toi du parc. On est venu représenter. En mode foot, à Michelet Park. On est venu représenter. Des bureaux où on nous braque. On est venu représenter. Ou à cette petite altrac, on est venu représenter. Donc au domac, y'a la bac à ceux qui sont fait souffler. Ouais, BNR pour les supporters. Sur écoute pour l'équipe, une Eric sort de ma tête, de mes tripes. Ambiance, on arrive pour les MC. J'avance dans tous les cas, même si mes gars m'ont dit que moi rap ici. Si je me méfie, n'oublie pas le retour de BNR. Ici bas pour nos confrères, on se bat pour percer. Pour éconner nos pères. Cet album t'en voulu. Aujourd'hui, ceux qui l'écoutent, c'est toi. Fais-toi plaisir, mais n'oublie pas que cet album est pour mes gars. Ce son qui sonne sur tes instruments. Viens faire un tour de retour sur notre album qui est attendu. BNR, nouvelle art rue.